Oui, il me paraissait important, avant d'écouter l'intervention de Monique Martineau, d'insister sur le climat de l'après-mai 68, qui est une période d'effervescence, de radicalisation des discours, autour des rapports extrêmement complexes entre cinéma, politique et idéologie, autour de la fonction sociale du cinéma, de ce qu'on appelait aussi la charge idéologique du dispositif cinématographique, et plus généralement des conditions d'existence d'une troisième voie entre cinéma commercial et cinéma d'auteur. Dans un de ses ouvrages, Le cinéma autrement, qu'il a publié en 1987, Dominique Noguez écrit à ce sujet, je cite, « Pas de revue ou presque qui n'ait consacré un ou plusieurs de ses numéros au rapport du cinéma et de la politique. C'est au point qu'un archéologue des écritures critiques pourrait repérer là, accompagnant, recouvrant et parfois masquant le travail critique effectif, l'apparition d'une nouvelle rhétorique. » Et effectivement, on constate une abondante littérature consacrée au cinéma politique, dont l'étude, qui est encore très limitée aujourd'hui, permet de mesurer en tout cas la portée des débats qui animent l'époque et de saisir le sens des discours qui la traversent. Alors des ouvrages effectivement importants qui apparaissent dès le début de la période, on peut penser à l'ouvrage de Jean Pivassé, Essai sur la signification politique du cinéma en 1971, l'ouvrage de Jean-Patrick Lebel, Cinéma et idéologie, en 73, celui de Christian Zimmer, Cinéma et politique, en 74, ou l'ouvrage de Philippe Marek, de mai 68 au film X, Cinéma, politique et société. On pense également à l'importance des revues, les revues liées à la cinéphilie, Cahiers du cinéma, Positif, nouvelles revues comme Cinétique, par exemple, ou des revues qui sont liées aussi à des groupes militants, on peut penser à Cinéma politique ou Cinoc. Et puis des rubriques que l'on voit apparaître aussi dans nombre de publications, Cinéma parallèle et militant dans la revue du cinéma Image et Son, Cinéma d'intervention dans la revue Jeune Cinéma, ou Caméra politique dans le Monde diplomatique. Donc pour évoquer sur cette période de l'après-68, le rôle des revues et le réseau de soutien dans la défense et la promotion des réalisations en vidéo légère, nous avons le plaisir d'accueillir Monique Martineau, elle-même, qui, comme l'a dit Hélène, est enseignante, universitaire, directrice de publication de la collection Cinémaction. Il est nécessaire, je pense, de souligner l'importance, le rôle majeur et singulier qu'ont joué Guy Hennebelle et Monique Martineau dans l'accompagnement critique et le soutien des cinémas militants français et étrangers. On pense notamment à l'ouvrage collectif Cinéma et politique, de la politique des auteurs au cinéma d'intervention, publié en 1980, mais aussi, comme l'a dit Hélène, dans la défense de la vidéo militante. Là encore, pour s'en persuader, on pourrait consulter les dossiers publiés dans la revue Écran, la rubrique « La vie est à nous », qui finalement accompagne chaque mois l'actualité des cinémas militants, qui d'ailleurs aussi s'intitule, et il y aurait aussi une étude de la terminologie employée, « Cinéma parallèle » en 1974, puis « Cinéma militant » en 1976, et enfin « Cinéma d'intervention, cinéma politique » après 1978. On peut penser aussi à l'importance du numéro de Cinéma d'aujourd'hui, publié en 1976, qui est un recueil d'entretiens, de témoignages, d'analyses, de documents qui fait date, avec un titre extrêmement ambitieux, Cinéma militant, histoire, structure, méthode, idéologie et esthétique, et dans lequel on trouve des entretiens avec quatre groupes vidéo, Vidéo Out, Vidéo 00, Vidéa Les Sans Fleurs, le catalogue Mon œil et un index des films où les vidéos occupent une place importante. Et puis l'importance de la revue Cinémaction, dont les premiers numéros qui sont contemporains de leur objet d'étude, offrent de volumineux dossiers sur les fronts de lutte principaux et sur les fronts de lutte secondaires. Donc cette attention portée à la vidéo légère, à ses acteurs, à ses pratiques, sont vraiment à souligner dans ce contexte, d'autant plus qu'elles sont vraiment inédites. Donc Monique, je te laisse la parole pour ton intervention. Et juste, excuse-moi, je te reprends deux secondes la parole simplement pour faire circuler la feuille de présence. Et je demande à chacun, chacune d'entre vous de bien vouloir inscrire leur nom parce que à chaque fois, on se rend compte que la feuille ne circule pas auprès de tout le monde. Or, c'est important que nous soyons bien en contact. Et je te redonne la parole et j'en profite pour remercier de nouveau de la part de toute l'équipe d'organisation, nos deux invités évidemment, pour leur présence aujourd'hui. On vous remercie vraiment chaleureusement.